Chapitre 10. À dater de ce jour, Magali se vit, malgré elle, entraînée quelque peu dans le tourbillon qu'elle avait évité jusqu'ici. On voulait l'entendre chanter, on la réclamait au tennis et au golf, elle était, au dire de tous, une trop remarquable écuyère pour ne pas faire partie des promenades à cheval. Elle n'osait résister au désir exprimé par la duchesse et sa fille, elle se mêlait à cette vie mondaine dont le contact lui causait un sourd malaise, celui de l'âme qui se trouve en dehors de son habituel élément. Et cependant, sans qu'elle perdît un atome de sa simplicité et de sa réserve un peu fière, elle était, sans en avoir conscience, comme légèrement grisée par la respectueuse admiration dont elle était l'objet, par ce subtil encens de louange que lui attirait sa voix et les rares facultés intellectuelles et artistiques dont elle était pourvue. Elle vivait un peu dans un rêve, elle oubliait presque à certains instants qu'elle n'était pas l'égale de toutes ces nobles ladies, en se voyant témoigner les mêmes égards par tous ces jeunes lords, par le duc de Saldif lui-même, le plus orgueilleux d'entre eux. Son intelligence très fine, très cultivée, se laissait aller au charme de conversations intéressantes avec les esprits d'élite, littérateurs ou artistes, depuis quelque temps hôtes du jeune duc, avec celui-ci surtout, qui les égalait tous par ses facultés remarquables et les surpassait souvent par son jugement très sûr et par le sérieux de ses pensées. Parfois, entre Magali et lui, il était question de religion et la jeune fille constatait avec surprise combien il était demeuré croyant, combien, sous ses dehors impénétrables, cette âme savait vibrer aux plus hautes impressions religieuses. En connaissant mieux cette nature aux nobles instincts et aux superbes envolées, Magali regrettait davantage l'orgueil qui la dominait encore, cet orgueil qui se manifestait en de fréquentes occasions, même à l'égard de ses pères, par un mot, un regard, un simple mouvement de tête. Mais elle devait reconnaître que, pour sa part, elle n'en avait plus éprouvé les effets, non, pas même lorsqu'un jour, en l'entendant adresser à quelqu'un qui lui déplaisait et avait commis la faute de le contredire avec quelque obstination, une de ces mordantes railleries qui laissaient les victimes sans contenance et sans parole, elle avait fait passer involontairement dans son regard expressif un reproche intense. Il avait détourné les yeux, sans colère cependant, et, un peu après, en passant près d'elle pour se rendre au billard, il avait dit avec douceur « Vous me jugez aussi mauvais qu'autrefois, n'est-ce pas, Miss Magali ?»« Oh non, milord, mais c'était bien dur ce que vous avez dit là. »« Oui, c'était trop. Je vous remercie de me l'avoir fait comprendre. » avait-il répliqué avec une gravité émue qui avait un peu saisi Magali. La jolie Miss Etty Ludler, arrivée peu de temps auparavant à Hawker Park avec Lady Macdolay, avait éprouvé une secrète déception en présence du duc de Saldif. Malgré sa confiance en elle-même et son aplomb naturel augmenté par ses millions, elle trouvait fort déconcertant ce grand seigneur dont la politesse parfaite se nuançait fortement de hauteur et qui semblait ignorer la riche américaine autant que le lui permettaient ses devoirs de maître de maison. Miss Etty n'était pas du tout accoutumée à ce dédain de sa petite personne dorée. Mais devant la difficulté de faire capituler cette altière forteresse, toute la ténacité de la race paternelle, tout l'amour-propre de la femme s'était éveillé et Miss Etty s'était jurée de devenir duchesse de Saldif. En fine mouche, elle avait tout d'abord essayé de profiter de l'orgueil même du jeune duc en usant habilement envers lui de discrètes flatteries, de subtiles louanges qui devaient envelopper l'oiseau rare d'un filet aux mailles serrées. Seulement, il lui fallait constater avec dépit que Lord Gerald, en admettant qu'il en éprouva secrètement quelque plaisir, ne laissait paraître autre chose qu'une ironie légère, très irritante parfois. Les hôtes du duc, spectateurs des petites manœuvres de l'américaine, s'en amusaient fort, ceux surtout, comme les amis intimes de Lord Gerald, qui connaissaient le mépris de celui-ci pour les ambitions des parvenus. Et ce matin-là, Lord Dunwilly et Lord Archibald, assis dans la grande serre qui faisait suite aux principaux salons, se mordaient les lèvres pour ne pas éclater de rire, en entendant Miss Etty déclarer d'un petit ton de componction qu'elle n'aimait pas le monde et n'y paraissait que par devoir. Je lui ai insinué hier que Gérald n'appréciait pas les femmes frivoles, chuchota Lord Rupert à l'oreille de Maximilien de Wolberg. Lady Ophélia, assise non loin du jeune comte et absorbée, semblait-il, dans de profondes pensées, eut un bref froncement de sourcils. Son regard effleura dédaigneusement l'américaine, celle-là ne lui avait jamais inspiré de crainte, et, passant au-dessus de Miss Etty, se posa sur la belle jeune fille qui travaillait là-bas, sa tête admirable nimbée d'un rayon de soleil, et se détachant, comme un camé antique, sur le fond violet foncé formé par des clématites qui voilaient en cet endroit les vitres de la serre. L'instinct féminin, uni à la jalousie que lui inspirait depuis 2 ans la beauté toujours croissante de la pupille de Mademoiselle Noué, avait fait deviner à Lady Ophélia, sous la réserve absolue de son cousin envers Magali, l'admiration que celle-ci lui inspirait, admiration qui ne s'était jamais traduite par une parole ni un regard, mais seulement par un respect plus profond, par un soin extrême, d'éloigner tout ce qui était motif de froissement pour cette âme délicate. En l'entendant causer avec Magali de graves sujets et écouter la jeune fille avec une attention presque religieuse, Ophélia avait compris que la beauté physique de Magali n'était pas le véritable danger, que Lord Gérald se laissait plus encore prendre au charme qui émanait de cette âme charmante. Et la sourde rancune d'Ophélia s'était augmentée d'une crainte vague, car si fière qu'elle connût son cousin, elle se disait qu'après tout, il était peut-être, tout comme un autre, capable de commettre la folie d'une mésalliance, même éclatante comme le serait celle-ci. Et les yeux scrutateurs de Lady Ophélia essayaient de saisir, derrière les verres de lorgnon, la direction du regard de Lord Gérald, tandis qu'il écoutait un peu distraitement, le menton appuyé sur sa main, les petits discours de l'américaine. Magali, mettez-vous donc ailleurs. Vous affleurez cette orchidée chaque fois que vous tirez l'aiguille et vous finirez par la briser, dit-elle avec impatience. La jeune fille jeta un coup d'œil sur la fleur qui penchait un peu vers elle sa tête mauve pâle. Il n'y avait pas à redouter l'accident prévu par Lady Ophélia. Cependant, Magali, jugeant inutile de discuter, se leva tranquillement. « Venez ici, Magali, vous serez très bien !» dit Lady Isabelle, qui causait avec sa cousine Juliane et Lady Dothil à quelques pas du duc et de Miss Etty. Lord Gérald se leva et avança un fauteuil à Magali. Une contraction passa sur le visage de Lady Ophélia. Quittant son siège, elle se rapprocha du petit groupe. « À quoi songiez-vous si profondément tout à l'heure, Ophélia ?» demanda Lady Dothil en riant. À une idée qui m'est venue en regardant hier une gravure représentant la fête de mai au collège d'Elleston. Nous cherchions à quoi occuper l'après-midi d'aujourd'hui où aucune excursion n'a été projetée. Eh bien, élisons une reine de mai. Oh, la charmante idée ! S'écria Miss Etty avec enthousiasme. Malheureusement, le mois de mai est passé, dit le duc qui était demeuré debout, appuyé à une des colonnes finement ciselées, soutenant la haute voûte de verre. Qu'importe, Gérald, il s'agit de nous distraire un peu, voilà tout. Que signifient ces fêtes de mai, sinon la royauté de la jeunesse et de la beauté? Et ce printemps-là ne finit pas pour vous avec le mois de mai, milady, dit gaiement Lord Orwilly, qui s'était rapproché avec son ami Archibald et le comte de Wolberg. « Je dis comme Miss Ludler, l'idée est charmante. »« Gérald, en qualité de maître de maison, serait le premier ministre de la reine. Il l'accompagnerait dans la promenade que nous organiserions après l'élection. Il s'assierait le soir à sa droite pour le dîner, où elle occuperait naturellement la place principale. »« Oh oh, ma chère, vous me mettez dans les honneurs toute la journée, » dit le duc avec un sourire railleur. C'est votre rôle, Gérald, et les 4 jeunes filles dont le nom sortirait après celui de l'élu seraient ces dames d'honneur. Voyons, Gérald, que dites-vous de mon idée ? Demanda-t-elle avec la souriante déférence qu'elle lui témoignait généralement. Je ne m'y oppose pas, à condition que l'élection présente les garanties du secret le plus absolu, car il ne faut blesser personne. Voulez-vous me charger de la préparation des bulletins de vote, milady ? S'écria Lord Archibald avec empressement. C'est convenu, milord. Préparons tout afin qu'après le lunch, nous procédions aussitôt à l'élection. Il nous faudra des fleurs, beaucoup de fleurs pour couronner la reine, pour orner la voiture qui l'emmènera en promenade. Magali, vous irez dire au jardinier-chef de venir me parler. Ce sont des fleurs champêtres qu'il vous faudrait, ma chère, fit observer le duc. Ce serait beaucoup mieux pour une reine de mai. Vous avez raison. Je lui dirai d'envoyer ses aides en chercher tout de suite. Magali tressera la couronne et les guirlandes. Elle se dirigea vers les salons où les autres jeunes hôtes d'Oker Park venaient d'entrer, habillés pour le lunch. Lord Rupert se pencha à l'oreille du duc. « Il me semble, cher, que votre cousine cherche à se préparer un triomphe, » dit-il malicieusement. Lord Gérald eut un sourire énigmatique. « Qui sait, les élections réservent souvent des surprises. Si chacun donne son avis loyalement, sans parti pris, ne pensez-vous pas que cette révélation sera peut-être curieuse, Rupert ?»« Et causera bien des désillusions, naturellement. » « Lady Isabelle, souhaitez-vous être reine de mai ?» Elle éclata de rire. « Demande-t-on cela à une jeune fille, milord ? Qu'en dites-vous, Miss Woodler ?»« Elle le serait en effet plutôt deux fois qu'une. C'est une fort agréable royauté. Je l'ai connue au collège de Wellesley, où mes compagnes m'ont élue une année. » « Et vous seriez naturellement charmé d'y goûter encore, » dit le duc en saisissant délicatement un grand papillon blanc qui s'était posé sur sa manche. « Mais certainement, ce sont des joies fort innocentes. Quel superbe papillon ! Il ferait bien dans ma collection. Il serait vraiment dommage de lui percer le cœur, de voir se ternir par la douleur et la mort ces merveilleuses ailes transparentes dont j'admirais la blancheur. » « J'aime mieux le laisser repartir, Miss Woodler. » Il entr'ouvrit les doigts, le papillon s'envola et alla se poser sur une énorme rose blanche avec laquelle se confondirent ses ailes immaculées. Le duc se dirigea vers le salon voisin où Lord Othil pérorait au milieu d'un groupe auquel il expliquait l'idée de l'aider Ophélia. « Sa grâce me paraît avoir des idées un peu sentimentales, » fit observer en souriant Miss Etty. « Mon frère est un poète, Miss Woodler, ne l'oubliez pas, » dit Lady Isabelle. « D'ailleurs, il a toujours eu le cœur très tendre pour les animaux. »« Beaucoup plus que pour les gens, peut-être, » dit négligemment la jeune Américaine en cueillant un œillet pourpre qu'elle piqua à sa ceinture. « Mais non ! Quelle opinion avez-vous de lui, Miss Woodler ? Gérald paraît très froid, mais je sais par expérience ce que vaut son cœur. » « Magali, ma chérie, je vais vous accompagner chez Hooker. Je veux lui indiquer certains endroits connus de moi où il trouvera de merveilleuses bruyères rosées qui orneront à ravir la voiture de notre printanière souveraine. » Les aides-jardiniers apportèrent une si abondante moisson de fleurs champêtres que Magali, assise dans la serre pour tresser les guirlandes, se trouva à demi submergée sous ce flot charmant. Son œil d'artiste y choisissait les éléments les plus favorables, ses doigts de fée formés, à l'aide de longues traînes d'asparaginés, de délicieux chefs-d'œuvre fleuris. Et sans aucune pensée d'envie, elle se demandait tout en travaillant laquelle de ces nobles ladies scindrait la gracieuse couronne de jeunesse et de beauté. « Je voudrais que ce soit ma chère Isabelle ou la comtesse Juliane qui est si aimable et si bonne. » « Mais Lady Ophélia est certainement plus belle. Miss Woodler est vraiment aussi très fraîche et très jolie. » Très peu préoccupée de sa beauté, Magali n'éprouvait aucun sentiment de jalousie et la petite sensation d'amertume qu'elle ressentait généralement en pensant à Lady Ophélia venait seulement de la malveillance que lui témoignait en toute occasion la jeune fille. Dans les salons, là-bas, l'élection se faisait. Magali entendait maintenant des exclamations. Mais de la retraite fleurie où elle s'était réfugiée, elle ne pouvait rien voir. Des pas grinçaient sur le sable fin de la serre, plusieurs personnes s'avançaient, cachées par les grands palmiers qui entouraient Magali. « Votre gracieuse majesté veut-elle me permettre de la conduire vers ses fidèles sujets ?» dit la voix du duc de Saldif. Elle leva les yeux, elle vit le jeune homme incliné devant elle, avec cette courtoisie un peu grave dont il usait toujours à son égard, et derrière lui, Isabelle, toute radieuse, Ophélia, les lèvres pincées par la colère, Miss Etty légèrement maussade, Juliane de Volberg demi-souriante, demi-mélancolique, puis un groupe de jeunes gens et de jeunes filles. Que signifiait cela ? Devant l'interrogation des grandes prunelles noires qui se levaient vers lui, Lord Gérald sourit. « En ma qualité de Premier ministre, j'ai le très grand plaisir de vous apprendre, Miss Magali, que vous avez été élue à une forte majorité, reine de mai. »« Moi ? Oh, quelle idée ! » s'écria-t-elle en se levant toute rougissante. Ce mouvement éparpilla autour d'elle toutes les fleurs. Quelques-unes s'attachèrent à sa jupe, des bruyères roses demeurèrent suspendues à ses épaules. Sur sa tête retombaient les roses grimpantes, couleur de chair, qui descendaient de la voûte de la serre. Le soleil doré sa chevelure cendrée, l'enveloppait, l'irradiait tout entière. « Dites-moi donc, si l'opinion générale n'a pas bien choisi, si nous ne sommes pas devant la personnification même du printemps ?» s'écria Lady Isabelle avec enthousiasme. « C'est l'avis de la majorité, ma petite fleur des bois. Vous n'avez qu'à vous incliner devant elle. » Le duc se pencha et prit sur une chaise la couronne tressée par Magali. « Entre-t-il dans les attributions du Premier ministre de couronner la reine, Milady ?» demanda-t-il en souriant. « Mais certainement !» répondirent plusieurs voix. Lord Gérald, d'un geste très respectueux, posa la couronne fleurie sur les bandeaux blonds de Magali. Miss Etty murmura d'un ton railleur « Ceci, en attendant la couronne à 8 fleurons !» Maximilien de Volberg, qui se trouvait près d'elle, l'entendit et répliqua à voix basse d'un ton sec « Il serait impossible de rêver une plus idéale duchesse, mais votre imagination vous entraîne trop loin, Miss Woodler. Ce n'est pas mon cousin qui aurait jamais la pensée d'une mésalliance, rassurez-vous. Ce que d'autres font pour quelques millions, lui ne le ferait pas, même pour suivre l'attrait de son cœur. » Miss Etty se mordit les lèvres tout en se reculant pour laisser passer Magali, dont la main s'appuyait sur le bras de Lord Gérald. Des exclamations saluèrent l'entrée de la reine de mai dans les salons. C'était vraiment un peu enivrant, cette atmosphère de louange et d'admiration. C'était une très douce satisfaction de se voir élue entre toutes comme la plus belle. Oui, plus belle que toutes ces aristocratiques ladies qui formaient à la jeune souveraine un cortège d'honneur. La sérieuse Magali se laissait emporter dans un rêve fleuri, une allégresse inexpliquée l'envahissait, éclairant ses yeux veloutés et mettant sur ses lèvres un sourire radieux. La cascade des fées avait été donnée pour but à la promenade en voiture. Il semblait que le temps lui-même eût voulu fêter la reine de mai. L'atmosphère était exquisement douce, les nuages avaient fui du ciel bleu pâle, l'été finissant se parait de tout son charme comme pour saluer Magali. Et la cascade était si belle sous le poudrement de lumière qui jetait à travers ses eaux écumantes de multiples arcs-en-ciel. Magali descendit de voiture à cette même place où, un matin, elle s'était arrêtée avec Lady Isabelle et son frère. Ce jour-là, le duc de Saldif lui avait fait nettement comprendre qu'elle n'était à ses yeux qu'une très humble subalterne. Et aujourd'hui, tous ces jeunes lords l'entouraient d'hommages respectueux et lui se montrait le plus attentif, le plus sérieusement aimable des premiers ministres, sans qu'une ombre d'ennui eût, un instant, voilé son regard où flottait une lueur heureuse. « Magali, venez donc par ici, le coup d'œil sur la cascade est charmant !» s'écria Lady Isabelle, grimpée sur une petite hauteur, avec Lord Dorwilly et Ferdinand de Volberg. « Par où est-elle donc passée ?» demanda Magali à Lord Gérald. « Il y a un petit sentier qui conduit là-haut. La cascade est en effet fort jolie vue de ce point. Voulez-vous en juger, Miss Magali ?» Sur sa réponse affirmative, ils se dirigèrent vers le sentier qui s'ouvrait sous une voûte de verdure. D'autres groupes les y avaient précédés, attirés par la fraîcheur de cet étroit chemin qui dominait à pic la cascade. « Tenez, par ici, Miss Magali !» dit le duc en désignant à la jeune fille un roc surplombant sur lequel avait poussé un robuste châtaignier. Le coup d'œil était en effet superbe. Magali, charmée, se pencha légèrement pour contempler l'onde bondissante qui s'écoulait avec bruit dans un ruissellement de lumière. Et sous les rayons de soleil qui traversaient le feuillage des châtaigniers, cette jeune créature vêtue de rose, couronnée de fleurs, semblait la reine des fées de la cascade, entrevue par les poètes d'antan, la reine blonde et radieusement belle, chantée dans les strophes dites par Lord Gérald ce matin où il avait énoncé avec tant de froid dédain son opinion sur les prétentions du sexe féminin. Peut-être y pensait-il en ce moment en regardant Magali. Il dit tout à coup, d'un ton où passait une douce malice, « Ceci me remet en mémoire certaines petites poésies lues un jour par moi. » Et sa voix vibrante scanda quelques vers, lumineux élan de reconnaissance et d'amour vers le Créateur, remerciement d'une âme croyante devant l'harmonieuse beauté de la nature. Magali devint pourpre. Ces vers étaient ceux qu'elle avait écrits sous le dessin de Freddy. « Connaissez-vous l'auteur de ce petit chef-d'œuvre » demanda-t-il en souriant. « C'est mal de railler ainsi, milord » dit-elle avec un accent de reproche. « Railler, cette pensée est loin de moi » répliqua-t-il d'un ton sérieux. « Cependant, vous avez devant moi taxé de ridicule les femmes poètes. » « Les prétentieuses, oui, celles qui font montre à tout venant d'un semblant de talent. Tel n'est pas le cas. » Sous une forme presque parfaite, ces vers laissent transparaître les sentiments les plus délicats, les aspirations d'une âme très religieuse et très ardente. J'ai souvent entendu des poésies féminines, bien peu m'ont donné cette impression de fraîcheur et de lumière. « Votre grâce montre probablement trop d'indulgence, » dit Magali, confuse de cette appréciation qu'elle savait, de sa part, absolument sincère. Il se mit à rire gaiement. « Voilà la première fois qu'on me dit cela. Je passe généralement pour un juge sévère. Si vous me le permettez, je vais vous signaler bien simplement une petite imperfection dans le second vers. Il faudrait... Mais qui est donc là-bas ? » Il désignait une sorte d'anfractuosité creusée dans un bloc de granit. Ses yeux et ceux de Magali, éblouis tout d'abord par la lumière que réverbérait la cascade, n'avait pas remarqué que quelqu'un était assis là, un homme d'un certain âge, en costume ecclésiastique, qui avait abandonné son livre pour regarder avec une attention pensive ces deux jeunes êtres, superbes de jeunesse et de beauté, debout dans une auréole lumineuse. « Mais c'est le père Noué !» s'écria Magali d'un ton de surprise joyeuse. Le père Noué était un frère aîné de Mademoiselle Amélie, entré fort jeune dans la compagnie de Jésus, et que les lois persécutrices venaient de chasser de France. Sa santé précaire lui interdisant en ce moment tout travail, il avait accepté l'invitation que lui adressait le duc de Saldif de venir passer le temps qui lui plairait près de sa sœur, et était arrivé la veille à Hawker Park, au grand contentement de Magali et de Freddy, qu'il avait connus enfants, dont il avait suivi de loin avec sollicitude les progrès d'âme et d'intelligence. Pour Magali, il était le conseiller toujours écouté, et lui savait lire sans détour dans cette âme claire dont il connaissait les points faibles et les magnifiques facultés. Se voyant aperçu, il se leva et s'avança vers le duc qui marchait à sa rencontre la main tendue. « Je suis charmé de vous trouver ici, mon père, » dit le jeune homme avec une cordialité respectueuse. « J'ai vivement regretté de n'être pas chez moi ce matin lorsque vous êtes venu et je projetais d'échapper un instant ce soir à mes hôtes pour aller vous voir chez Mademoiselle Amélie. « Eh bien, voilà que la rencontre se produit toute seule, sans que nous l'ayons cherchée, » dit en souriant le religieux. « Je me reposais là, après une petite promenade, lorsque j'ai entendu un bruit de jeune voix, d'éclats de rire. J'ai pensé alors que ma solitude allait être troublée par les hôtes d'Hawker Park, et je m'apprêtais à leur céder la place lorsque votre grâce est arrivée. Avec la reine de mai, acheva le duc en riant, car nous avons élu une reine de mai, mon père, et le choix est tombé sur Miss Magali. Le regard pénétrant du père Noué enveloppa la jeune fille, toute radieuse dans sa modeste toilette rose, sous la couronne de fleurs qui ornait ses cheveux blonds. C'est une royauté un peu grisante pour une tête de 18 ans, dit-il doucement. Magali le regarda, un peu surprise, vaguement inquiète, en croyant saisir quelque tristesse dans son accent. « Oh, mon père, pas pour Miss Magali, dont l'âme est si profondément sérieuse !» dit Lord Gerald. Le père Noué, sans répondre, se mit en devoir de glisser son bréviaire dans une poche de sa longue redingote. « Descendez-vous avec nous, mon père ?» demanda le duc. « Je serai très heureux de vous voir prendre votre part des rafraîchissements qui vont nous être servis. » Le religieux, après une seconde d'hésitation, accepta l'offre faite par le jeune homme avec une irrésistible bonne grâce. Tous trois descendirent lentement le sentier. Mais le duc s'arrêta tout à coup une seconde en voyant fuir à travers un buisson, à quelques pas de lui, une forme indistincte. « Qu'est-ce que cela ? Un animal ? Un enfant ?» J'ai cru reconnaître le petit Mike Redton, le 10e enfant de pauvres misérables qui habite par là une sorte de tanière. Le père a fait de la contrebande. « Oh, alors ?» fit le duc avec un geste qui signifiait « Il ne doit pas m'intéresser en ce cas. » « Mais il est très tranquille depuis une année, milord. Il cherche du travail. Seulement, il est si mal nourri qu'il n'a pas de force. »« Vous les visitez, Miss Magali ?» Oui, milord, ce sont vraiment de fort honnêtes gens et ils méritent qu'on s'intéresse à eux. Eh bien, il me paraît que le plus gracieux privilège d'une reine est de répandre les bienfaits et celui du premier ministre d'exécuter, les yeux fermés, les charitables désirs de sa souveraine. Que souhaite pour ces pauvres gens votre majesté ? Elle le regarda avec une surprise joyeuse au fond des prunelles. « Oh, milord, seulement une occupation un peu lucrative pour le père. Ce sera beaucoup déjà, et ils sont si courageux qu'ils se tireront très bien d'affaires ainsi. En tout cas, il faut commencer par là. Je m'en occuperai sérieusement. Vous m'aiderez, mon père, » ajouta-t-il gaiement en se tournant vers le père Noué, dont le regard, où flottait une mélancolie et un reflet, allait du jeune homme à Magali, toute heureuse de la chance inespérée qui allait échoir à ses protégés. « Comme vous êtes bon, milord » dit-elle avec élan. « Non, mais je voudrais le devenir, » murmura-t-il avec émotion. Ils rejoignirent les autres promeneurs qui entouraient les petites tables où les maîtres d'hôtel venaient de dresser les rafraîchissements et de savoureuses pâtisseries. « Ah, voilà notre reine !» s'écria Lady Isabelle. « Et le père Noué ! Quelle bonne surprise, mon père » dit-elle en s'avançant et en saluant respectueusement le religieux. Magali était déjà entourée de sa petite cour, Lady Doutil et une autre jeune fille lui jetaient sur les épaules de longues traînes de feuillage pourpre. Lord Gerald, debout à quelques pas, appuyé à un tronc d'arbre, considérait le charmant spectacle offert par cette radieuse évocation du printemps. Il écoutait le rire clair, délicieusement argentin, que faisait jaillir une amusante aventure contée par Ferdinand de Wolberg. Et la physionomie du jeune duc semblait s'éclairer de plus en plus à la vue de cette gaieté d'enfant, une expression d'une extrême douceur chassée de ses yeux bruns, la hauteur un peu dédaigneuse qui lui était habituelle. D'un geste machinal, il leva la main pour rejeter en arrière une des mèches bouclées de sa chevelure. Ce mouvement fit étinceler l'émeraude qu'il portait à cette main. Cette bague était, depuis un temps immémorial, dans sa famille. Tous les ducs de Staldif l'avaient portée et la transmettaient religieusement à l'aîné. Elle était, pour eux, comme le signe tangible de leur noblesse, de la vieille gloire de leur race. Il était de croyance que, lorsque l'un d'eux se trouvait prêt à oublier les devoirs de son rang, l'émeraude l'en prévenait en lançant une lueur fulgurante. Était-ce ce signe avertisseur qui fit soudain fermer les yeux de Gérald et répandit cette pâleur intense sur son visage contracté ? Sa main droite se crispa sur la bague, ses lèvres murmurèrent « Mais c'est un rêve fou. Oui, fou, impossible. Oubliais-je donc qui je suis ? Il est temps de réagir. Quelle mine ténébreuse, mon bon ! Vous oubliez vos devoirs de premier ministre, il me semble. » Le duc, sans répondre, se dirigea vers le groupe qui entourait la jeune reine. Il lui présenta le bras pour la conduire à une table, s'occupa de la faire servir et, jugeant probablement sa tâche accomplie, s'écarta un peu pour causer avec le père Noué et Maximilien de Wolberg. « Votre couronne glisse, Magali, elle va tomber, » dit Lady Isabelle. « Gérald, voyez donc !» Il se détourna lentement, si lentement qu'avant lui, Lord Othil et Ferdinand de Wolberg se trouvaient là et étendaient la main. Mais déjà, Magali avait remis à sa place la légère guirlande.